Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des ruines. Nous y parlerons des ruines antiques, comme celle de Pompéi, mais aussi des ruines du XXe siècle, à l'image de celle de Beyrouth, après la fin de la guerre civile libanaise. D'ailleurs, demain, nous vous proposons une balade dans le Beyrouth reconstruit d'aujourd'hui, en compagnie d'une historienne de l'architecture, Cécilia Pierry, et d'un architecte libanais, Habib Debs. Mercredi, nous nous demanderons comment préserver aujourd'hui les ruines en danger de destruction que sont, par exemple, les ruines de Pompéi ou encore celle d'Oradour-sur-Glane. Jeudi, nous vous proposerons un cas d'espèce, celui des ruines de la Commune de Paris qui donnèrent lieu à la fin du 19e siècle à des voyages spécialisés, à une sorte de tourisme de ruines et à des guides de voyage également. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Schnapp, archéologue, historien de l'archéologie, qui vient de réaliser une série de conférences titrée « Une histoire universelle des ruines », un titre à l'ambition assumée qui nous fait courir justement avec lui de Rome à la Chine ou au Japon, mais également du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. C'est de qui ? Apollinaire. Alors, nous allons partir à reculons justement avec vous, à la recherche des ruines, Alain Schnapp, puisque vous êtes l'auteur d'un livre qui paraîtra d'ici un an au moins, mais aussi d'une série de conférences qui ont eu lieu très récemment à l'Auditorium du Louvre et qui s'intitule « Une histoire universelle des ruines ». Alors, c'est vrai que voilà une question qui taraude la civilisation européenne depuis un certain temps, mais aussi toutes les autres civilisations. Et l'intérêt de votre travail, Alain Schnapp, c'est d'être allé chercher, comme vous l'aviez fait il y a déjà une vingtaine d'années, ou presque, pour la conquête du passé, dans d'autres espaces géographiques, dans d'autres cultures, à la recherche justement de ce goût du passé. Est-ce que nos ancêtres et les ancêtres de ces cultures étaient aussi passionnés que nous par la recherche des traces, des ruines et la réflexion sur ces traces et sur ces ruines? Qu'est-ce qui vous a motivé, Alain Schnapp, vous qui êtes archéologue, spécialiste de l'histoire de l'archéologie aussi, pour aller chercher cette histoire universelle des ruines? Eh bien, un peu comme vous le signalez, le désir de recommencer une expérience. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'archéologie, je pensais que l'archéologie commençait au XIXe siècle. Et puis j'ai vu qu'avant les archéologues, il y avait ce qu'on appelait des antiquaires. Et dans toutes les sociétés, chez les Mésopotamiens, chez les Égyptiens anciens, chez les Chinois, qui s'intéressaient au passé et qui avaient développé des techniques assez voisines de celles que plus tard, les Européens récupéreront au XVe siècle, avec la Renaissance, et puis au XIXe siècle, quand ils affirmeront une discipline nouvelle, l'archéologie, vieux mot grec déjà présent chez Platon. Alors, les ruines, c'est venu d'une réflexion complémentaire de la première, qui est de dire qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi passionnés par le passé. Pour qu'il y ait des antiquaires ou des archéologues, il faut qu'il y ait des monuments, et que ces monuments soient visibles, repérables, ou imaginable, parce qu'il y a des ruines et de ce qu'on appelle des fausses ruines. Et parfois, comme entre le vrai et le faux en archéologie, la distance n'est pas si évidente. Donc cette curiosité qui est un peu archéologique, non pas au sens des archéologues, mais au sens de Foucault, c'est-à-dire de voir comment émergent des constructions qui ont été enfouies et que le goût du jour, la curiosité, les accidents de l'histoire font remonter à la surface. Ça, c'est une des premières curiosités. Et la seconde, c'était de réfléchir sur le geste de la construction. C'est-à-dire, tout architecte se projette dans le futur. Et un de ceux qui l'a le mieux dit, c'était un des criminels de guerre bien connus, qui s'appelait Albert Speer, qui était l'architecte d'Hitler. Et quand il a construit ses plans, enfin, il a imaginé ses plans pour la nouvelle capitale du Reich, il avait expliqué à Hitler que non seulement cela pourrait... C'était des constructions gigantesques qui duraient des centaines d'années, mais que leur ruine même était incorporée dans le projet, et que donc la marque qu'il laisserait dans l'histoire, si Hitler lui faisait confiance à lui, Speer, eh bien, elle serait immémoriale. Et donc c'est cette question du rapport entre le mémorial et l'immémorial qui est au cœur de la ruine. Oui, parce que pour qu'une ruine existe, il faut qu'elle soit vue d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle soit, sinon vue, du moins imaginée par ceux qui pourraient la voir. Et donc, on peut passer des siècles à côté de ruines sans jamais les voir, sans jamais imaginer que ce sont des ruines, Alain Speer. Voilà, une des premières qualités de la ruine est de ne pas être reconnue comme telle. C'est-à-dire que les gens, regardez les habitants de la Rome ancienne, de la Rome moderne, pardon, ils étaient recouverts par la Rome ancienne. Ils voyaient partout des vestiges, mais d'une certaine façon, ils avaient un blocage ou une réaction, en quelque sorte, d'autodéfense qui leur faisait nier les ruines. Et quand on discute de ça, par exemple, avec des gens de ma génération qui ont été élevés en Allemagne, qui sont nés en Allemagne entre 45 et 50, ils ont vécu dans les ruines et brusquement, ils prennent conscience, mais à 40 ans ou 30 ans de différence, en lisant des textes comme ce Sebald ou d'autres, qu'ils ont été en quelque sorte, sans le savoir, impressionnés par ces ruines. Mmh. Et là, ça me fait penser à un très beau texte de Maurice Halbwachs dans La mémoire collective, dans laquelle Halbwachs dit « On peut détruire les choses matérielles. Vous pouvez détruire une ville. Vous pouvez casser les rues. Mais la mémoire des gens, c'est plus difficile. Et s'ils reviennent, ils vont commencer à vivre dans cette ville qui a été complètement anéantie par la guerre ou par une catastrophe naturelle, avec les habitudes qui étaient celles d'avant. Mmh. Et donc, il montre que, en quelque sorte, le concept d'urbanisme est un concept transhistorique et que les sociétés mettent autant d'immatériel dans le monument que de matériel. D'ailleurs, une ville rasée, souvent, tente de reprendre au moins le plan des rues principales, c'est-à-dire d'une certaine façon de se réinstaller dans l'ancienne ville, même quand cette ville n'existe plus. C'est le cas, par exemple, de la fameuse rue de Siam à Brest, par exemple. Voilà une ville entièrement ou presque entièrement détruite, dont le cœur de ville a été détruit par la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, on descend toujours la rue de Siam comme on la descendait dans les années 30. Oui, mais dans des villes comme Reims, vous descendez toujours le Cardo et les orientations de la ville romaine ancienne, à 2000 ans de distance. Donc il y a des transmissions qui sont subconscientes. Elles ne sont pas inconscientes, mais elles sont subconscientes de l'habitude de vivre dans certains paysages et de suivre des itinéraires prédéterminés. Alors vous êtes archéologue, vous avez fouillé beaucoup, beaucoup en Grèce en particulier, et c'est vrai que dans un livre précédent qui déjà annonce un peu ce travail que vous faites actuellement sur l'histoire universelle des ruines, qui s'appelait « La conquête du passé », vous aviez réfléchi à ce regard porté sur le passé. Vous y citiez par exemple Thucydide, qui se posait la question, une question formidable, à partir de sa propre réflexion sur l'histoire, c'est-à-dire de savoir ce qu'on pouvait voir à Mycène, mais aussi ce qu'on pouvait voir à Sparte, et ne pas comprendre, étant donné la faiblesse, la petitesse des monuments de Sparte, que tout compte fait, Sparte était peut-être plus puissante à une certaine période qu'Athènes, qui Athènes, elle, avait construit de gigantesques monuments, un peu comme ceux que voulait construire Speer pour Hitler, pour témoigner pour le futur de la grandeur de la cité. Et que cette réflexion de Thucydide explique bien combien, au bout du compte, il y a une relativité à l'importance de ces ruines, puisqu'elles ne sont pas toujours le témoin de l'importance de la cité qui les portait. Alors, c'est le génie de Thucydide, c'est d'avoir eu des intuitions historiographiques, je dirais, qui couvrent tout le champ de la réflexion sur l'histoire depuis ses origines gréco-romaines ou même mésopotamiennes ou chinoises jusqu'au monde contemporain. Et justement, dans ce paradoxe d'Athènes et de Sparte, comme vous le dites, il met en discussion le concept de trace. En trace, ça peut se dire d'une façon particulière en grec, c'est ikné. Les traces que l'on voit aussi quand on chasse les empreintes des animaux dans la neige ou dans le sable. Donc ces traces en creux, elles font en quelque sorte couple avec un autre mot qui est plus proche de ruine, du latin ruere et du grec ereipia. Ce sont deux mots qui veulent dire quelque chose qui s'est usé, qui s'est défait. Et ce qui me paraît extraordinaire, c'est que si on enquête un peu, on s'aperçoit que la ruine, au sens général du terme, elle est tendue entre cela, entre ce qui s'abîme progressivement, dont il ne reste qu'une partie importante, voire minime. Donc, vous allez partir de la ruine noble, où les tours du château sont encore bien décelables, ou décombres dans lesquels il n'y a plus qu'un amoncellement, mais si vous avez l'œil pour les regarder, vous les retrouverez. Ça, c'est un pôle d'une idée de ruine. Et l'autre, c'est autre chose qui est plutôt liée à presque de l'immatériel, c'est la trace du pied du Christ dans la basilique de l'Assomption, comme dit Paulin de Nole, ou la trace du géant, des géants qui ont construit le paysage de la Chine antique, qui sont repérés dans un certain nombre de textes. Ce sont des pieds et des mains qu'on lit dans le paysage et qui vous disent quelque chose s'est passé là. Et les philosophes ont réfléchi beaucoup à cette question du rapport entre la trace et en allemand Spur aussi. Et cette réflexion, elle amène à dire que la ruine, ce n'est pas un concept, c'est une notion très large qui passe d'un pôle, je dirais, du surmonumental, de l'hypermonumental, c'est les pyramides d'Égypte, c'est la muraille de Chine, ou les murailles de Chine, c'est peut-être le Parthénon, ou les grands monuments des civilisations de l'Antiquité, etc. Et puis de l'autre, ces toutes petites traces qui sont un fragment de silex qu'on a ramassé. Alors on me dira, mais un fragment de silex n'est pas une ruine. Mais si vous le regardez comme le porteur de milliers, voire de millions d'années, il exprime déjà dans la marque que le temps lui a imprimée et dans la technique qu'il a extraite du sol, quelque chose qu'on peut appeler une ruine. Mais il y a des périodes où on s'intéresse plus aux ruines. Vous vous êtes arrêté dans la conquête du passé sur un moment qui est un moment assez formidable et qu'on n'imagine pas comme tel. C'est le moment où des grandes cités se rétractent, c'est-à-dire à la fin de l'Empire romain. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce moment-là avec vous, Alain Schnapp, c'est-à-dire un moment où une ville comme Rome, capitale d'un empire gigantesque, finit par devenir une sorte de petit fruit sec qui laisse en dehors de ses murailles tout un tas de monuments qui vont devenir des ruines quand elles ne seront pas reprises, ils ne seront pas repris, ces monuments, en particulier par les chrétiens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, de cette respiration d'une cité qui ne peut plus entretenir la totalité de ses monuments? Alors c'est un double souci. Ce qu'on appelle le Bas-Empire, qui n'est pas très généreux pour cette période, la fin de l'Empire romain et l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, c'est le moment où, justement, face à ce que Cassiodore appelle, c'est un mot merveilleux, mirabilia silva moenium, la splendide forêt des murailles. On se met à réfléchir en disant, mais comment faire face? Comment maintenir la cité en vie? D'abord, il y a une nécessité physique pour maintenir la cité en vie. C'est protéger les murailles quand on le peut, parce que les invasions se répètent, et surtout l'approvisionnement d'eau. Et donc là, les aqueducs et la splendeur, il y a des phrases de Cassiodore, dans les variés, qui sont un poème en prose sur la fraîcheur des eaux de Rome et la grandeur des constructions qui ont permis à la ville d'être la grande ville parce qu'elle avait l'arrivée d'eau et parce qu'elle avait aussi des égouts. Donc on ne part pas seulement d'une esthétique. Nous allons voir que l'esthétique est fondamentale, mais il y a cette idée, je dirais, d'une espèce d'hygiène monumentale qui est l'héritage de la grande ville. Face à cela, Cassiodore lui s'adresse à Théodoric, mais les empereurs de l'Empire tardif se sont posé la question, mais il y a tellement de constructions, la Silva, la forêt, comment les entretenir, comment laisser notre marque à nous, les empereurs du IVe siècle. Dans une ville qui s'appelait Lourdes avec un U majuscule. Voilà. La ville majuscule. Donc une partie, alors les stratégies ont été diverses. Une partie de Rome s'est vue spoliée pour aller enrichir Byzance, qui était la nouvelle capitale plus moderne et qui incarnait un espoir de futur, qui s'est d'ailleurs vérifié, parce qu'elle a duré 1000 ans de plus que Rome. Et d'autre part, cette idée que quand même, comme vous le dites, à Lourdes, dans Lourdes, il y avait quelque chose qui était rémanent, qui était les dévotions successives de la République et des empereurs à cette idée d'une capitale qui était ornée de tout ce qu'il y avait de mieux dans le monde antique. Et donc, le paradoxe, c'est que la première législation, on peut peut-être exagérer de parler de législation, mais le premier sentiment philosophique et éthique du patrimoine, il est élaboré durant le IVe siècle et le Ve siècle, surtout par Cassiodore, dans l'idée, justement, de disposer d'une doctrine qui permet de préserver le nécessaire, avec l'idée, évidemment, la critique chrétienne. Une partie de la critique chrétienne, le pape Sylvestre et quelques autres diront, mais regardez cette décrépitude, regardez ces splendeurs abolies, elles incarnent la chute du paganisme. Et nous, les chrétiens, nous avons d'autres espérances, désintéressons-nous de cette monumentalité. Pourtant, ils vont se réapproprier beaucoup de voilà, cette monumentalité. Voilà, mais d'autres voix, qui vont être majoritaires bien vite, vont dire, mais non, tâchons d'expurger de la monumentalité romaine ce qui en faisait le paganisme, c'est-à-dire essentiellement les rituels liés aux sacrifices et aux sacrifices animaux. Trouvons des stratégies pour en quelque sorte christianiser ces monuments, et nous allons les récupérer, et nous allons, parce que nous sommes des chrétiens et que nous avons un sens de la créativité humaine dont Dieu a fait la grâce aux hommes, révérer et respecter ces monuments. Et c'est de là que date une doctrine monumentale qui va avoir des hauts et des bas. Et justement, les textes de Cassiodore sont plus un manifeste pour ce qui devrait être qu'une réelle défense des monuments. Un peu comme sous l'Empire, les monuments romains, ils sont pleins de textes qui disent à peu près ceci. En l'entend, le consul machin ou le magistrat truc ont rénové à fundamentis, depuis la base, ces monuments que la vétustas, que le temps qui passait, avait fait écrouler. Et quand les archéologues vont vérifier, ils s'aperçoivent que ce qu'on a restauré, c'est quelques bouts de mur. Mais l'inscription monumentale permet de s'attribuer ce gain. Et d'ailleurs, dans le testament d'Auguste, la liste de tous les bâtiments qu'il a rénovés est extraordinaire. Est-ce que vous êtes parvenu, en faisant ce travail depuis une quinzaine d'années, Alain Schnapp, sur l'histoire universelle des ruines, travail dont on verra la conclusion dans un an environ, est-ce que vous êtes parvenu à comprendre ces moments particuliers, que sont ces moments où on s'intéresse justement à la ruine et les autres moments où, au bout du compte, on semble la laisser tomber, cette ruine ? Je pense qu'il y a évidemment des variations et dans le temps et dans l'espace qui font que la ruine, c'est pour moi un compromis, un fragile équilibre entre la mémoire et l'oubli. Entre la mémoire, parce que ces bâtiments érodés portent quelque chose d'un passé qui a laissé des traces visibles, et l'oubli, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont, sauf si on peut déchiffrer les inscriptions ou si on dispose de textes, voire de mémoire orale. Et dans les sociétés sans écriture, il y a une idée des ruines, on pourra en parler si vous voulez, et ça m'a beaucoup frappé, mes collègues proto-historiens l'ont très bien montré. Donc il y a des moments où une forte dénégation du passé s'impose, parce qu'elle est soit la conséquence de l'idée que tout s'en est allé, donc c'est Sylvestre, c'est même Saint-Jérôme, qui se disent « mais tout ce à quoi nous avons cru ». Toute cette cité antique dans ses merveilles qui s'abat comme ça en quelques dizaines d'années sous le coup d'assauts étrangers, c'est bien que cette culture est condamnée. Donc prenons congé de ces ruines, tenons-nous à distance. Puis d'autres, qui vont gagner d'ailleurs, disent non, ces ruines ne sont pas maléfiques. Dans le fond, ils reprennent le discours de Simac en retirant sa partie païenne. Il faut en expurger le paganisme, mais nous pouvons les récupérer. Et il y a un texte merveilleux de Benjamin Perret qui est paru en 1939 dans le Minotaure. Il s'appelle « Ruines, ruines des ruines ». Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Donc, c'est un poème en prose extraordinaire dans lequel il prend la question de la relation entre la mémoire et l'oubli. Et alors, il sent à un certain moment, il a écrit en 1939, donc il s'en prend à Mussolini et à Staline. Et alors, il s'en prend à Mussolini, il dit Mussolini veut faire revivre la Rome, la impériale, parce que lui-même est un impérialiste. Mais ce faisant, il ne s'aperçoit pas que sa propagande est ridicule et que tout le monde en rigole. Et il dit, quant à Staline, il veut convaincre le monde qu'il est le porteur d'une révolution universelle, alors que la première des choses qu'il a faites quand il a pris le pouvoir, c'est de mettre en prison et de mettre à mort tous les vieux collaborateurs de Lénine. Mmh. Et donc il continue la métaphore de la ruine en disant « Une ruine chasse l'autre et elle ne sait pas qu'une autre l'a précédée. » Et donc ensuite il élargit sa réflexion en disant « Mais est-ce que les ruines sont seulement les ruines des hommes ? Il y a aussi des ruines dans la nature. » Donc, est-ce que l'homme ne se comporte pas comme ces animaux qui vivent dans des environnements dont ils ne savent pas qu'ils ont été constitués bien avant eux ? Et donc, il met en place une espèce de réflexion d'un cycle ternaire. Où il dit, il y a une première civilisation, où il y a un premier fait naturel. Et puis, il devient ruine. Et de nouveaux habitants, humains ou animaux, vont s'installer dans ces ruines. Mais ils ne savent pas que ces ruines étaient les ruines de prédécesseurs. Et donc, il dit, toute l'histoire des ruines, c'est cette tension entre oublier et se remémorer. Mmh. Et chaque moment de l'histoire produit un peu plus d'oubli ou un peu plus de mémoire. Et quelquefois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse univoque à votre question, au moment même où on a l'impression que la société se tend au maximum pour se remémorer, elle oublie des choses qui relèvent d'une autre catégorie. Par exemple, la redécouverte du gothique, que les romantiques lancent, pensez à Guerre aux démolisseurs, n'est-ce pas ? Ou à la volonté des hommes du XIXe siècle, de Montalembert en particulier. Hein, Montalembert dit « La mémoire du passé ne devient importune » que quand la conscience du présent est honteuse. Et c'est chaque fois un mot que je ressors quand j'entends un industriel important dire « Je vais construire une immense cathédrale pour fabriquer tel ou tel produit, et donc il faut que vous, les archéologues, vous alliez vite. » Et ma réponse, ou la réponse de mes collègues, est toujours de dire « Mais écoutez, ces documents sont dans le sol depuis 50 000, 100 000, 20 000, 2 000, 1 000 ans. » Laissez-nous quelques années avant de procéder à la destruction et tâcher de bouger ou de donner un délai. Mais les gens ne l'entendent pas. Donc notre société qui est hyper patrimonialisée maintenant, parce que il y a un chanteur brésilien qui a cette jolie chanson qui dit « C'est à peine terminé et c'est déjà une ruine ». Et je trouve que c'est la meilleure critique d'un esprit trop patrimonial. Donc on peut patrimonialiser toutes sortes de choses, mais on ne sait pas se doter d'instruments réfléchis qui permettent de maintenir un certain accord entre un passé très lointain et le présent. C'est votre formation et votre métier d'archéologue au départ, Alain Schnapp, et d'historien de l'archéologie, qui vous a conduit sur ce chemin des ruines, c'est-à-dire c'est en travaillant sur l'histoire de l'archéologie elle-même, en fouillant vous-même dans divers chantiers de fouilles, que vous vous êtes dit... Réfléchissons à ce regard porté sur les ruines. Oui, c'est un peu... je suis un vieux professeur maintenant au bord de la retraite, et donc je regarde le chemin parcouru, et je me pose la question, qu'est-ce qui m'a entraîné ? Qu'est-ce qui a entraîné des centaines d'archéologues à privilégier le regard sur le passé plutôt qu'à s'intéresser à des éléments historiques plus récents, voire à notre monde contemporain ? Et donc, en enquêtant sur les stratégies de la ruine... Alors, nous avons parlé des stratégies de la ruine essentiellement en Occident. On va venir aux autres. Mais on pourrait en parler en Mésopotamie, on pourrait en parler en Orient, on pourrait en parler dans les sociétés sans écriture. Il me semble que, de la même manière qu'il n'y a pas d'homme sans mémoire, d'individualité sans mémoire, il n'y a pas de société sans mémoire. Bon, ça, c'est ce qu'Alvax a magnifiquement démontré. Mais cette mémoire des sociétés, elle a besoin de s'appuyer sur des éléments matériels, ou je dirais sur un subtil équilibre entre matériel et immatérialité, dans lequel les ruines jouent le rôle essentiel. Et donc, chaque société va privilégier... En gros, les sociétés portent en quelque sorte des lunettes grossissantes, mais elles ne grossissent, consciemment ou inconsciemment, ça ensuite on pourra en discuter, parce qu'il y a des programmes idéologiques, il y en a tous qui sont inconscients, que ce qui les intéresse au premier chef. Par exemple, pensez à la Turquie moderne et à Atatürk. Atatürk, la Turquie moderne est pleine de ruines romaines et de ruines grecques. Enfin, même si Atatürk a fait beaucoup pour construire des musées, son première idée était de dire « Mais il y a ce peuple qu'on a découvert, qui parle cette langue bizarre qui est le hittite, à Bogaskoï. Donc nous allons, le nouvel Atatürk va développer le hittite. Il fait venir, personne ne connaissait le hittite chez les jeunes Turcs. Alors il fait venir deux professeurs allemands, l'un à Istanbul, l'autre à Ankara, pour apprendre et enseigner le hittite. Et j'ai retrouvé la correspondante d'un de ces professeurs qui a mourir de rire, parce qu'il dit « Mais moi, je veux bien ». Naturellement, comme par hasard, c'est un juif allemand, on est en 36-37, donc il est bien content de pouvoir aller en Turquie. Et alors il écrit en disant « Mais comment je vais enseigner le hittite? Il n'y a pas de livre ». Alors Atatürk répond « Mais achetez une bibliothèque ». Donc on achète la bibliothèque d'un professeur allemand, et donc ce professeur s'installe à Ankara, mais il ne sait pas le turc. Alors Atatürk désigne les officiers de la garde personnel d'Atatürk, qui ont été tous formés en Allemagne, qui traduisent en turc. Et j'ai trouvé une collègue turque, qui est maintenant très âgée, qui a été une des premières étudiantes turques qui a été invitée à ces leçons données à Ankara dans les années 40 ou durant une partie de la guerre. Alors, on voit bien combien la sphère méditerranéenne, la sphère européenne ont été irriguées par cette question de la ruine depuis fort longtemps. Mais puisque vous êtes lancé dans une histoire universelle des ruines, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples que vous avez, j'imagine, découverts après coup, parce que vous avez une formation classique, voilà. Vous aussi, Alain Schnapp. Oui. Vous êtes élève, vous avez travaillé avec Pierre Vidal-Naquet, vous avez vous êtes dans cette grande école française de la Grèce antique. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à d'autres civilisations, d'autres regards, d'autres cultures, et à leur regard à elles sur les ruines, justement ? D'abord, c'est, comme vous y faites référence, un problème de formation. Quand les gens de ma génération ont eu la chance de découvrir les séminaires de Vidal-Naquet et de Vernon, à l'époque, Vernon Vidal, Marcel Détienne, Nicole Laurent ensuite, avaient créé un centre qui s'appelait Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, où Vernon et Vidal invitaient des assyriologues, des spécialistes de l'Inde, comme Charles Malamud et d'autres, à discuter de questions croisées. Donc, au départ, les grandes enquêtes auxquelles j'ai été associé comme jeune débutant étaient liées à ça. Puis nous sommes enfoncés dans nos chantiers, chacun avec ses thématiques. Et dans le fond, à un certain moment, c'est ce que François Hartog a réussi pour l'histoire et la définition des méthodes de l'histoire, ou c'est ce que ma collègue Pauline Schmitt a réussi pour l'histoire des mœurs, nous nous sommes intéressés au lien qu'il y a entre nos modes de nos points de vue occidentaux sur ces questions et les points de vue universels. C'est-à-dire comment les Mésopotamiens ou les Égyptiens se posent la question des ruines? Et bien, ils la posent très vite, parce que, pour les Égyptiens d'abord, la mémoire du passé est fondamentale dans les actes de foi, dans les actes religieux, qui sont une partie du pouvoir. Mmh. Donc le pharaon n'est vraiment le pharaon que s'il s'intègre à la liste des pharaons qui l'ont précédé. Mmh. Donc il y a auprès de lui des clercs qui sont capables de lire les hiéroglyphes anciens et qui, dans certains cas, font même des fouilles pour retrouver des fragments ou des documents qui sont nécessaires au prolongement du culte. Et quand ils les retrouvent, ils ont des formulaires qui ressemblent beaucoup à nos formulaires médiévaux ou modernes, qui dit « En fouillant le sol, j'ai trouvé cette inscription, et parce qu'elle est celle d'un souverain qui a été honoré par l'histoire et qui est l'un des lointains ancêtres du souverain actuel, je l'ai nettoyé, je lui ai consacré un culte, et je l'ai remis en état de visibilité. » Il y a même un personnage qui s'appelle Camoys au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le fils de Ramsès II, qui est une espèce d'ingénieur prêtre général des antiquités. Mm-hmm. Donc, il en excave. Il a même une espèce de griffe qu'il la pose sur les monuments en disant « j'ai restauré ceci ». Ah oui. Donc c'est quasiment parrain industriel, son activité de fouille et de restauration. Alors ça, c'est le cas de l'Égypte antique. La Mésopotamie, c'est la même chose. La Mésopotamie, c'est la même chose avec cette idée. Les Égyptiens sont des hommes de la pierre. Donc ils savent, ils ont des pierres, ils savent les travailler. Et donc ces pierres, elles ont une résistance qui est quand même... Enfin, les Grecs disaient qu'elles leur semblaient indicibles, qu'eux se sentaient tout petits face à cette espèce de monumentalité extraordinaire du monde égyptien. Les Mésopotamiens n'ont pas de pierres. Ils ont des briques. Et donc, leurs châteaux, même leurs grandes ziggourates, même la tour de Babel, tout ça, ils savent que ça ne durera pas très longtemps. Oui, c'est périssable. Alors, ils inscrivent sur leurs tablettes, en terre séchée au soleil, des inscriptions commémoratives, en disant « Je suis Nabonide, le roi de Babylone, et parce que je suis un homme pieux, j'ai cherché dans le sol, en faisant venir des ouvriers qui creusaient avec la pioche, qui dégageaient avec la pelle, qui sortaient les terres avec la corbeille, c'est extraordinaire, les trois ordres de l'excavation, j'ai fait sortir du sol des briquetages de mes prédécesseurs. Et comme je suis honoré par les dieux, et plus pieux que les précédents, je n'ai pas seulement trouvé des rois de 1000 ans antérieurs à moi, mais j'ai trouvé des rois de 2000 ans. Je suis arrivé jusqu'à Hammurabi, au plus grand, au plus sage, parce que les dieux m'ont éclairé, et parce que, dans le fond, ma piété est de regarder le passé pour mieux construire le présent. Et d'ailleurs, le terme en mésopotamien, c'est Elena Cassin qui l'a brillamment démontré, le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Et donc ça donne une idée du développement de la curiosité avec des scribes qui recopient des inscriptions, avec des souverains qui organisent des galeries. Alors je ne dis pas qu'il y a des musées, certains ont prétendu qu'il y avait un musée à Babylone. Ça c'est hautement discutable. Mais il y avait des collections d'antiquités dans les ruines de Babylone, composées de dizaines d'objets venant de toutes les parts de l'Empire et de toutes les périodes. Et un des souverains d'Assur, au 7e siècle avant Jésus-Christ, il a construit une allée mémorielle dans laquelle il y avait d'une part tous les grands rois, leurs statues qui, en plein air, et en face d'eux, leurs officiers les plus méritants. Donc, qui rendaient visite au roi passaient par cette galerie de portraits, un peu comme dans les fameuses histoires du temple égyptien, qui en quelque sorte tétanise les Grecs. Oui, qui impressionne. Hein, voilà, et avec toute la statue, les 300 statues des grands prêtres qui sont montrées aux visiteurs grecs, eh bien, de la même manière, là, nous avons une trace archéologique de cette galerie des portraits. Alors ça, tout compte fait, on peut se dire, voilà, qui est dans la sphère qui n'est pas très éloignée de la nôtre, Mésopotamie, Égypte, mais dans une des conférences que vous avez données au Louvre, Alain Schnapp, vous êtes allé chercher beaucoup plus loin. Vous êtes allé dans des sphères qui sont plus lointaines, les sphères asiatiques, en Extrême-Orient, chinois et le monde japonais. Et japonaise. Oui. Et évidemment, là, on pourrait se dire, tout compte fait, on est très loin de chez nous, et ce regard porté sur la ruine, par les souverains en particulier, est très différent. Et ce qui est amusant, c'est qu'on découvre qu'il est différent entre les deux civilisations japonaises et chinoises, plus qu'il n'est différent entre Chinois et Japonais et occidentaux ou européens. On pourrait dire que les Chinois, avec leurs grands empires, sont plus proches des Égyptiens ou des Mésopotamiens qu'ils ne le sont des Japonais. Pourquoi ? Parce que les Chinois privilégient la mémoire sur la longue durée et parce qu'ils ont des idéogrammes qui, depuis se sont constitués de façon classique il y a quelques millénaires, enfin il y a 2 millénaires, sont restés lus. Donc on peut encore écrire aujourd'hui comme on écrivait en Chine au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Alors que, évidemment, aucun Français moderne n'est capable même de lire facilement, dirais-je, la chanson de Roland. Bien sûr. Donc cette fixité de la langue écrite dans le monde chinois, c'est un médium intergénérationnel incroyable qui explique cette espèce de présence du passé, de respect absolu pour les classiques et pour la monumentalité classique, qui n'est pas une monumentalité qui correspond à la nôtre. Les Chinois sont peu intéressés par les grandes architectures, qu'au début, d'ailleurs, ils n'ont pas connues. Et en tout cas, certains souverains se sont fait construire des tombes incroyables. Celle de Shi Huangdi, c'est la tombe des tombes. Mais en même temps, on les détruit assez facilement, on les remplace, et les grands sanctuaires sont constamment remplacés. Hein, Victor Ségalen a écrit un poème extraordinaire qui capte cette idée que pour le monde asiatique et chinois en particulier, c'est l'artisan qui est le monument. Ce qu'il produit n'est que la conséquence de son savoir. Donc tout est reproductible, ou presque tout. Presque tout parce que un de mes collègues chinois qui enseigne à Chicago, Wu Hong, vient de publier un livre très intéressant sur les ruines en Chine, dont j'espère bien qu'un jour on pourra le traduire en français. Il l'a présenté au Louvre à diverses occasions. Et dans ce livre, il reprend des choses qu'il a déjà écrites par ailleurs. Et en particulier, il insiste sur le fait que ce qui est monumental au plus haut point dans la culture chinoise, c'est les vases sacrificiels qui sont nécessaires aux familles nobles et à la famille impériale. Et que donc ces vases, on se les transmet de génération en génération. Et qu'il y a même une légende, la légende des 9 trépieds divins qui symbolise la première Chine unifiée, bien avant Shi Huangdi dans la proto-histoire chinoise. Et donc la poursuite de ces vases, c'est la poursuite du pouvoir. Vous avez des textes qui vous disent « L'empereur de Chine, c'est celui qui les possède. Mmh. » Mais si l'empereur n'est pas respectueux des lois et du peuple, s'il se montre dédaigneux vis-à-vis des dieux, alors les vases vont lui échapper. Et le signe, et une autre dynastie en prendra le contrôle. Et le signe de cette dégradation, c'est que les vases vont perdre de leur poids. Si le souverain est injuste, les vases ne pèsent rien. Si le souverain est un bon souverain, les vases sont si lourds qu'il faudrait des milliers de chevaux pour trimballer ces petits vases. Et donc je trouve que Wu Hong a bien compris, là, il a mis en relief un des aspects de l'idée de la monumentalité et donc du rapport différent aux ruines entre les Chinois et nous. Alors, il y a ces civilisations, ces cultures particulières, et puis il y a celles sans écriture, et vous avez été obligé, pour travailler sur cette histoire universelle des ruines, de vous poser la question de ce goût, cet intérêt pour la ruine, dans des civilisations qui peuvent être, je ne sais pas, du Pacifique, par exemple, des endroits où la question de l'écriture n'existe pas, enfin, n'existait pas jusqu'à il y a quelques centaines d'années, et où se pose la question de la transmission de cet amour pour le passé, ou de ce goût du passé, ou de ce goût de la ruine. C'est une découverte d'un de mes collègues, aujourd'hui décédé, que j'aimais beaucoup, qui est José Garanger, un ethnologue qui a travaillé à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vanuatu, c'était les Nouvelles Hébrides. Et il y avait découvert, dans les Nouvelles Hébrides, dans les années 60, il avait recueilli les chansons de gestes, et une chanson de gestes au Vanuatu racontait comment, dans un îlot proche de l'île principale, un héros colonisateur s'était installé, avait donné une législation, apporté enfin, le peuplement et les lois, et puis qu'à sa mort, dans cet îlot, les chefs avaient consommé un rituel de séparation funéraire et que là, des inhumations privilégiées avaient eu lieu autour de la tombe du roi, de sa femme et de leurs principaux collaborateurs. Et José Garanger est allé fouiller dans cet endroit avec l'accord des chefs coutumiers. Je ne sais pas si aujourd'hui quelque chose comme ça serait possible, vu ce qui se passe en Australie ou ailleurs, où les revendications contre l'agressivité des ethnologues ou des archéologues, des populations traditionnelles et fortes. À l'époque, Garanger a réglé ça de façon très simple, dans une collaboration en quelque sorte. Et donc, ils ont trouvé une sépulture privilégiée avec des dizaines de corps tout autour. Ils ont daté cela, c'était du 15e siècle. Donc, les habitants du Vanuatu se sont répété cette histoire entre 1450, 1480 et 1962 ou 63, date où Garanger et ses collaborateurs relèvent la chanson de gestes, et ils ont gardé la mémoire. Donc là, je me pose la question, est-ce que la ruine, c'est uniquement du matériel ? Ben non, la ruine, ça peut être la trace de quelque chose qui a été, qu'un chant ou qu'un texte peut véhiculer. ça ne fait pas ce champ, ce texte, une ruine en tant que telle, structurelle. Mais c'est quelque chose qui a rapport avec le champ de la ruine, c'est-à-dire la mémorialisation, la séparation entre oubli et souvenir. Et ça, ça nous amène à des réflexions ensuite qui ont été développées par des collègues proto-historiens sur, par exemple, les mégalithes. Regardez Karnak. Ben, pour construire Karnak, il faut au moins 7, 8, 10 générations. Ça veut dire que les gens qui ont imaginé Karnak à la génération 1, ils savaient que leur message passerait à la génération 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et que ceux de la génération 10, 400, 300 ans après, ils auraient la mémoire. Alors on dirait, mais ça, c'est pas des ruines, puisque dans le fond, c'est un processus de construction et d'adaptation continuelle. De remémorialisation. De rapatriation mémoriale. On construit certains mégalithes avec une première structure en bois, et puis on va la remplacer par une structure en pierre. Et ça me rappelle ce que disent les pharaons égyptiens en disant « Je suis un bon pharaon parce que j'ai tout ce que mes prédécesseurs avaient construit en bois, je l'ai remplacé par de la pierre. » Donc, il y a un sens du passé dans les civilisations mégalithiques de l'Europe, et d'ailleurs l'île de Pâques en fait partie. Et ce sens du passé, bah, il présuppose qu'il y a un univers de la ruine dans lequel on regarde le passé, on voit ce qu'il a déposé, on l'interprète et on l'adapte. Donc une ruine, c'est par définition quelque chose de muet. Mais de vivant. Mais de vivant en même temps. C'est-à-dire, elle transporte quelque chose, mais ne peuvent l'interpréter que qui sait lire, s'il y a lecture, qui sait entendre, s'il y a rituel, ou qui sait extraire de la matérialité un message, s'il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est ce que tentent de faire les archéologues, mais que un certain nombre de populations traditionnelles font. Par exemple, le rêve chez les habitants de l'Australie, chez les aborigènes australiens, fait partie aussi pour moi d'un univers de la ruine, puisqu'ils vont se promener idéalement dans des paysages qu'ils connaissent en disant « là, il y a des peintures, là, il y a des signes, là, il y a la marque d'une chasse qui a été bien heureuse ou malheureuse ». Et en évoquant ce passé, on évoque des paysages de mémoire. Et là encore, on touche cette frontière délicate, fragile et invisible entre le matériel et l'immatériel. Cela montre, Alain Schnapp, qu'il y a divers regards portés sur ces ruines et que, en fait, ce qu'on voudrait caractériser comme le regard occidental sur ces ruines n'est qu'une des facettes, qu'une des possibilités d'étudier les ruines. Et que d'un seul coup, soit effectivement on découvre des cultures qui font presque comme les cultures occidentales ou européennes, on en découvre d'autres qui font totalement différemment, mais que néanmoins, elles portent elles aussi un regard sur ce passé, sur cette mémoire du passé, et donc sur la ruine. Voilà, je pense que ça nous permet de retrouver quelqu'un qui a beaucoup compté pour les gens de ma génération, qui est Lévi-Strauss, dans ses deux réflexions, l'une pour l'UNESCO et l'autre dans un grand discours qu'il a donné, il réfléchit à l'apport des sociétés humaines. Et il dit il n'y a aucune raison de considérer que les Indiens d'Amérique qui vivent avec des cultures techniques de l'âge de la pierre sont des hommes de la pierre. Ils ont vécu aussi longtemps que nous dans l'évolution. Mais ils ont développé d'autres techniques, des pharmacopées, des modes de connaissance de l'environnement. Et donc, il n'y a rien qui nous empêche de penser qu'il y a une idée de la ruine, même dans des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de monument au sens où nous l'entendons. Et il est frappant de constater qu'un célèbre archéologue allemand, Frobenius, dans un de ses textes, écrivait ceci. Il disait « Il n'y a pas de ruine en Afrique parce qu'il n'y a pas de pierre ». Donc pour Frobenius, la ruine, c'était... Quoi qu'on y revienne aujourd'hui, parce qu'on en trouve. Il n'évoquait pas Zimbabwe, qui était mal connu ou pas connu à ce moment-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette idée de... S'il n'y a pas de pierre, donc il y a de la brique, c'est déjà plus une ruine. C'est-à-dire, c'était Frobenius, l'ethnologue, qui regardait avec les yeux de chimène tous les peuples d'Afrique. Il avait une idée du monumental qu'il avait tirée du romantisme occidental. Donc, je crois que si on veut accepter les ruines, on s'est accepté un peu de notre propre finitude au sens où Diderot les définit comme ça, où Chateaubriand dit que les hommes aiment passionnellement les ruines, parce que s'il n'y avait pas de ruines, ils n'auraient pas conscience d'eux-mêmes. Et ça va jusqu'à Heine, qui disait « On ne comprend les ruines que si l'on est devenu soi-même un peu une ruine. » C'est-à-dire qu'on accepte l'inéluctable et le passage du temps. Eh bien, je crois que ça, toutes les sociétés, comme tous les hommes, doivent le ressentir dans leur singularité. Toutes les sociétés peuvent l'imaginer dans leur diversité. C'est un peu cette question que j'aborde dans sa difficulté. Mais ça veut dire que on pourrait penser que votre histoire universelle des ruines, même si elle a commencé il y a bien longtemps, est une sorte de réponse à ceux qui, il y a quelques années, disaient que, par exemple, l'Afrique était un continent qui n'est pas entré dans l'histoire. C'est-à-dire que, oui, vous dites, oui, bien sûr, l'Afrique pas est dans un l'histoire continent. Au sens, au sens où nous l'appelons histoire en Occident. Mais Huizinga, le grand historien hollandais, disait tout ça. Qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire, c'est ce qu'une société dit d'elle-même. Donc c'est ce qu'on peut renvoyer au discours de M. Sarkozy. C'est-à-dire que l'histoire, c'est la façon dont les sociétés évoluent. Et même, rappelez-vous le débat dans l'Allemagne hitlérienne. Je n'accuse pas M. Sarkozy d'y être lié pour quoi que ce soit. Mais ce débat est ironique. Vous avez tous les partisans du pan-germanisme qui disent « Les Germains, c'était les meilleurs, c'était les plus grands, ils avaient les plus gros casques, les plus grosses moustaches, c'est eux qui ont inventé l'écriture. Tout le reste, tous ces sémites, ne comprenaient rien à rien. » Et puis Hitler, étudiant d'architecture failli, mais qui avait passé sa vie à dessiner des ruines romaines et grecques, disait « Oui, enfin, vous avez peut-être raison, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Conservons Rome et conservons Athènes. » Alors donc, les gens finalement disent « Oui, mais les Allemands, en fait, sont des Grecs. » Donc, voilà. On trouve la solution. On trouve toujours la solution. Donc, il faut se garder, en matière de culture, de préjudices anthropologiques. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés ont fait la même chose. Heureusement, les sociétés ont fait des choses très différentes, très divergentes. Mais tout le monde dit le premier pas sur la Lune, les cosmonautes, enfin, c'est le comble de nos technologies. Mais je demande à ce que l'un de ces cosmonautes qui est allé sur la Lune, on l'emmène quelque part au Groenland, on le laisse sur la glace avec deux ou trois camarades et une petite tente. Est-ce que vous croyez qu'il va survivre ? Non, mais les Esquimaux, eux, vont survivre parce qu'ils ont 3000, 4000, 5000 ans d'expérience pour survivre comme les pygmées dans les forêts les plus profondes, comme les Givarots dans les forêts brésiliennes, en découvrant des choses dont, encore aujourd'hui, nous nous demandons comment ils ont pu les trouver. Donc c'est un espoir de réflexion, enfin oui, pour une prise de conscience de la fragilité des populations humaines et de la diversité des cultures. Et dernière question peut-être, Alain Schnapp, puisque vous avez réfléchi depuis longtemps sur cette histoire universelle des ruines, ce qui nous arrive à nous, dans nos sociétés donc européennes, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, vous le qualifieriez comment au regard de cette longue histoire universelle des ruines, c'est-à-dire ce regard porté sur le passé, cette patrimonialisation croissante, vous disiez tout compte fait, elle existe, mais par ailleurs, on ne donne pas le temps aux archéologues d'aller chercher les archives de la Terre et de travailler sur ce qui a été conservé dans le sol depuis tant de générations. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe ? À la fois, il y a un progrès. Il n'y a jamais eu autant d'archéologues en France qu'il n'y en a eu depuis que l'archéologie existe. Et la création de l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, a complètement changé le climat. Et je m'inquiète un peu du manque d'attention que le gouvernement précédent, et me semble-t-il le gouvernement actuel, porte à cette institution qui est fragilisée. Fragilisée par ce principe, soi-disant, de la concurrence, qui considère qu'en gros, un chantier archéologique, c'est une activité économique comme une autre. Ben, un chantier archéologique, ça a une vocation cognitive, et non, ce n'est donc pas réductible à des opérations concurrentielles. Donc je m'inquiète un peu de cette hyper-dilatation du concept patrimonial, on va patrimonialiser un peu tout, et puis du manque de réflexion sur les conduites collectives qu'il faut adopter pour protéger ce qui est nécessaire. Donc il y a un peu une idéologie du patrimoine qui devient encombrante parce qu'elle banalise, commercialise, simplifie le patrimoine. Et que donc il y a tout un travail pédagogique... Pour se réapproprier. Pour se le réapproprier, pour permettre à la société d'être plus rationnelle dans ses choix. Encore une fois, je ne pense pas qu'on doive tout garder. Il est légitime que dans des cœurs urbains, dans certains cas, de construire de grands équipements. Il est légitime de construire... Il a et donc de détruire. Inévitablement de détruire. Mais on peut détruire de façon rationnelle, en gardant trace. On peut éviter de détruire quand il s'agit de parcours autoroutiers ou autres. Et je trouve que ces choix-là, qui ont été bien maîtrisés, par exemple dans les sociétés scandinaves de l'après-guerre, ou dans des pays comme la Hollande, même en Angleterre, maintenant le sont moins. Parce qu'il y a une commercialisation de l'archéologie, parce qu'il y a, entre guillemets, cette idéologie de l'excellence où il faut aller le plus vite possible pour trouver les meilleurs résultats. Parfois, les résultats durent beaucoup plus qu'on ne... Enfin, obtenir de bons résultats, ce n'est pas une performance. Tout ce qu'on appelle maintenant les indicateurs en matière culturelle, une hypertrophie, si vous voulez, de la fonction administrative dans la recherche et dans la culture, que je ressens comme archéologue, mais que mes camarades physiciens ou biologistes ressentent comme moi. Je veux dire, l'inquiétude, elle vient de là. Les ressources ne sont pas tout à fait suffisantes pour la recherche ou pour la protection du patrimoine. Et celles existantes sont en plus souvent mal engagées ou mal gérées. Ce qui est gênant, c'est quand un préfet envoie des circulaires aux archéologues en disant il y a des investissements à faire, il y a de grands équipements qui vont arriver, l'État en a besoin pour lutter contre le chômage, chose justifiée. Donc, vous allez revoir vos prévisions de trouvailles à la baisse, vos indicateurs. Ça, c'est un problème. Il y a des grands laboratoires européens de biologie, de grands laboratoires européens de physique. J'appellerai de mes voeux un grand laboratoire européen d'archéologie qui permettrait de fixer une norme, enfin, et surtout de trouver un équilibre, parce que nous avons parlé là, je vous ai répondu sur la France et sur l'Europe, mais je pourrais aussi vous répondre alors sur l'Asie, sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en Colombie, sur ce qui se passe dans un certain nombre d'ex-républiques soviétiques, qui est le pillage systématique, encouragé parfois par des institutions européennes ou américaines. Donc il y a là un déficit éthique que justement l'absence d'institutions responsables et respectées permettrait de minimiser. Les ruines existent depuis des millénaires, même un peu plus pour les grottes ornées, et pour des millions d'années pour les ruines de la nature, donc elles ne vont pas disparaître de notre horizon. Mais certains types de ruines sont d'une fragilité telle que si on ne prend pas les actes conservatoires, très vite, elles peuvent disparaître du champ de la conscience et de l'observation. Merci Alain Schnapp, on attend votre livre avec impatience, ça sera dans un an. C'est cela, si tout va bien. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marivana Bolivier et Aurélie Marseille. La prise de son a été assurée par François Rivalan, le mixage par Amandine Grevaux et la réalisation par Renaud Dalmar. Demain, nous continuons cette histoire des ruines en nous intéressant aux ruines plus récentes de Beyrouth, à une balade dans Beyrouth, dans le Beyrouth d'aujourd'hui, en compagnie d'une historienne de l'architecture et d'un architecte libanais. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, www.franceculture.fr, vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit, laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter.